Mosaïque. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette émission sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est pour parler de multipartisme au Burundi. Ils sont à plus de 30 les partis politiques agréés au Burundi, un pays estimé des moins vastes sur la planète, 27 834 km², mais très peuplé, plus de 12 millions d'habitants. Combien de partis politiques nécessaires pour renforcer effectivement la démocratie dans ce pays? Nous ferons un regard sur leur visibilité sur le terrain, leur projet de société, la redevabilité devant les citoyens et probablement d'autres indicateurs qui puissent aider à renforcer justement la démocratie. Mais en passant, faut-il le signaler, le multipartisme est reconnu en République du Burundi selon l'article 75 de la Constitution. Avec nous sur le plateau, quatre invités. Honorable Félicien Ndouburundi, vous êtes du parti CNDD-FDD au pouvoir, président du forum des partis politiques au Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bon après-midi et merci de m'avoir invité. Tassien Sibomana, acteur politique indépendant, vous vous réclamez du parti UPRONA, excusez si je me trompe, mais souvent vous vous rangez du côté de l'opposition. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et je salue tous les auditeurs et téléspectateurs. Ça faisait longtemps, je pense que je vais servir la matière dont ils ont besoin. Bienvenue. Mais sinon, pour plus de précision, je ne me réclame pas de l'UPRONA, je suis de l'UPRONA, et je représente l'UPRONA de l'opposition, et je suis de l'opposition. Merci. Gabriel Banza Witonde, vous êtes le président du parti APDR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue mes amis ici au plateau et je salue les auditeurs qui nous captent. Et puis nous sommes avec vous, docteur ambassadeur Denis Banchimiwusa, docteur en sciences politiques, enseignant d'université, spécialiste en matière de démocratie, gouvernance et état de droit. Bonjour et bienvenue à cette émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Albert Nouayo, Fulgence Irakoze et Jérôme Ndayishimiye. Réalisation d'Alain Désiré Boukeyeneza et Marie-Claire Kazeneza. À la présentation, Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro. Rendons-nous d'abord en province de Gitega, au centre du pays. Des habitants estiment que plusieurs partis politiques, c'est bon, mais le problème, c'est qu'il y en a qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Suivez. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs partis politiques. Par contre, c'est que les uns cherchent leurs propres intérêts ou même s'emparer du pouvoir par voie illégale, que chacun ait la liberté d'expression lorsqu'il a des idées claires. Si le pays a une bonne orientation, une démocratie dans son vrai sens, le pluralisme des partis politiques n'est pas un obstacle. Être dans un tel ou tel autre parti ne signifie rien car selon moi, aucun parti politique n'avantage pas ses partisans, sauf s'ils cherchent leurs propres intérêts. C'est ce que nous vivons. Beaucoup de leurs partisans sont illettrés. Il y a ceux qui tiennent compte de leur ethnie, voire des amitiés pour arriver loin de façon illégale, selon mon constat. Qui est d'irrespect mutuel, chacun dans son idéologie. Mais on aboutira à cela si tout le monde est sensibilisé d'aller à l'école, afin de ne pas chercher à profiter de leur bas niveau. À cela, on aura la vraie démocratie et chacun sera respecté. D'une manière générale, en tant que citoyen, je trouve qu'il y ait deux partis politiques seulement. Lors des campagnes électorales, les paroles ne sont pas accompagnées par des actes. Après cette campagne, en essayant de comparer, aucune ressemblance entre les paroles et les actes. La première question, je vais l'adresser à vous, honorable Félicien Ndouburundi. Ils sont à combien précisément les partis politiques agréés au Burundi? Combien sont membres du forum dont vous êtes président? Bon, au total, les partis politiques agréés au Burundi s'élèvent à 35 partis. Parmi les 35, 29 partis sont membres du forum. 29 membres du forum. Des partis politiques. Mmh. Oui. Estimez-vous que tous les partis aient des projets de société différents les uns des autres? Dire 35 partis politiques, 29 qui sont membres du forum, 35 partis politiques, disons, est-ce qu'il y a nécessairement 35 projets de société? Bien sûr. Mmh. Et avoir un projet de société, c'est l'une des conditionnalités pour qu'un parti politique soit agréé. Mmh. Alors, dire qu'il y a 35 partis signifie qu'il y a 35 projets de société. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des partis politiques qui partagent le même projet de société que le sein des DFDD? C'est à analyser. C'est à analyser. Oui. Tassien Siomana, 35 partis politiques, 35 projets de société. Bon, merci. Je pense que d'abord, 35 partis politiques pour le Burundi, c'est trop. C'est trop parce que justement, c'est trop justement parce que il n'y a pas moyen d'avoir 35 projets de société. C'est vrai, lors de l'agrément, on exige effectivement que chaque parti dispose d'un projet de société, mais dans les faits, référez-vous même dans la campagne électorale, combien se présentent, combien défendent les projets de société? Combien se présentent devant les citoyens? 5, 10, 8? Il n'y en a même pas 5 qui se présentent. Peut-être dans certaines circonscriptions, on peut en compter 5, mais au niveau national, il n'y a jamais 5 partis qui se présentent aujourd'hui. Encore moins ceux qui présentent des projets de société. Même celui qui se prétend être au pouvoir ne défend pas un projet de société comme tel lors de la campagne électorale. C'est ça qui est triste dans notre pays. On est loin vraiment de la démocratie. Et ça, je soutiens l'idée de ces habitants de Gitega quand ils disent que les partis politiques, en termes de nombre, ne sont pas vraiment nécessaires, s'il faut être clair. Mais encore plus grave, c'est que même ceux qui existent ou qui prétendent avoir des membres ne les ont pas parce qu'ils vendent des projets de société. Ils passent par d'autres chemins. Qu'est-ce que vous diriez à propos de la visibilité sur le terrain de ces partis politiques? C'est vrai. 35 partis politiques. Quand un parti ne peut pas se présenter aux élections, c'est clair qu'il n'est pas visible sur le terrain. Ça, c'est un. Deux, même ceux qui pourraient l'être, qui pourraient être visibles sur le terrain, ils ne le sont pas nécessairement pour des raisons diverses. Il y en a qui ne sont pas autorisés à y être. Il y en a d'autres qui sont... Qui ne sont pas autorisés. Est-ce qu'ils n'ont pas ce droit? Ben, malheureusement, le droit est consacré et par la Constitution et par la loi sur les partis politiques, mais de façon effective, le droit est bafoué. C'est pourquoi il y a certains partis qui ne se vendent pas comme il faut, ou d'autres qui se vendent à moitié ou au tiers, et d'autres qui sont vraiment, je dirais, très mal en point, compte tenu justement de l'appareil administratif, voire même policier, qui ne favorise pas la visibilité de certaines formations politiques. Et vous, personnellement, en tant qu'acteur politique, je dis acteur politique indépendant, membre du parti UPRONA, mais d'une certaine manière, vous êtes contesté par le parti UPRONA, reconnu par les pouvoirs publics. Quelle facilité avez-vous pour être visible sur le terrain? Je ne suis pas contesté par le parti UPRONA. Peut-être je le suis par certains qui sont d'ailleurs téléguidés d'ailleurs. Sinon, s'il fallait laisser M. Tassien se vendre devant le Badassigana, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que j'aurai beaucoup de concurrents, par exemple? C'est pour dire que je ne suis pas contesté par la base de l'UPRONA. Je suis contesté par peut-être certains spéculateurs ou ceux qui sont téléguidés par un système qui n'aimerait pas que certaines personnes émergent politiquement sur la scène, c'est tout. Est-ce que vous ne craignez pas le risque que vous pouvez vous retrouver effacé de la scène politique? Je n'ai jamais été rémunéré par la politique. Je sais ce que je fais. Mais vous restez en tout cas acteur politique. Oui, justement, parce que j'ai le droit, mes droits civils et politiques, je dois les jouir. Même dans les difficultés que je connais, je suis quand même un citoyen burundais. Je ne me reproche de rien tant que j'ai le droit de jouir de mes droits civils et politiques. Gabriel Banzawitonde, de votre côté, visibilité des partis politiques sur le terrain, d'une manière générale, et spécialement peut-être pour la PDR. Oui, avant de répondre à cette question, je commence à démentir ce que M. Tassé vient de dire, qu'il n'y a pas au moins 5 partis qui se présentent aux élections. S'il ne sait pas, il peut sauter, il met toutefois. Vous présentez. Ici, j'ai des données. Par exemple, en 2015, nous avons au moins 10 partis politiques qui se présentent aux élections des députés législatives. Au moins 3 coalitions et 3 indépendants. Avec le conseil communal, il y a 11 partis qui sont présentés. Se sont présentés, 3 coalitions, 3 indépendants. Mais où étaient les autres? On parle d'autres en fait, partis politiques. Il y a dit qu'il n'y a pas au moins 5 partis. Mmh. Alors je vais vous donner des exemples, des chiffres qui sont là. Par exemple, en 2018, avec le référendum, 27 partis ont participé. En 2020, 11 partis ont participé avec 2 coalitions, 33 indépendants. Au niveau des conseils communaux, 15 partis politiques, 2 coalitions, 18 indépendants. C'est pour dire que Massine ne sait pas les choses qu'il se documente au lieu de mentir devant le peuple. Alors pour nous, le parti APD, avoir beaucoup de partis politiques au Burundi, ce n'est pas un problème, puisque les lois les permettent. Mais le problème est qui est là, est-ce que ces partis politiques travaillent ou bien contribuent pour le développement du pays, contribuent politiquement, font ce qu'ils devraient faire. C'est ça le problème. Puisque si je me retrouve bien, la constitution du Burundi, à partir de l'article 75 jusqu'à l'article 86, parle en rapport avec les partis politiques. 11 articles dans la constitution du Burundi. Alors, par exemple, l'article 75 dit que le Burundi reconnaît le multipartisme. Si le Burundi reconnaît le multipartisme, signifie que si tu remplis les conditions, tu as le droit d'avoir un parti politique. Et on souligne qu'à partir de 18, chacun a le droit de appartenir dans un parti politique. Ce qui est permis est permis. Par exemple, la loi numéro 1/16 du 10 septembre 2011, c'est la loi portant révision de la loi numéro 1/006 du 26 juin 2003, portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques. L'article 4 dit que les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leurs activités librement sous réserve de dispositions les prises à l'article 21. L'article 21 dit qu'un parti fonctionnait après avoir l'agrément. Donc, si tu remplis les conditions. Est-ce que suffit d'avoir été agréé pour être fonctionnaire, pour être présent sur le terrain? Donc, il faut comprendre 4 choses. Au Burundi, nous avons au moins 4 catégories de partis politiques. Les partis qui sont nés comme élite ou bien révolution. Donc, ce sont des partis qui ont lutté pour l'indépendance, pour la démocratie. Ça, c'est une affaire. Il y a aussi le parti qu'on a eu avec la libération. C'est qui militait pour peut-être les Tutsis. Qu'en est-il pour la PDR? Troisième catégorie, il y a les partis qui sont nés comme le partage. Vous savez, avec les histoires de Arusha, hein, donc il y a les partis politiques qui se sont nés donc, comme des champignons à cause des intérêts. Alors, il y a quatrième catégorie, les partis qui sont là pour le changement, pour le pouvoir, dans la PDR. Alors, changement au pouvoir. Alors, ces partis sont moins nombreux par changement. Rapport. Vous parlez de changement. Monsieur Gabriel Wandoitoni, mais en 2020, il se fait que vous avez présenté une candidate à la présidentielle, mais qui s'est retirée quelques jours après. Avec les élections, on a eu la 8e place, on s'est présenté à toutes les élections, sauf au niveau présidentiel, là où on a manqué peut-être la somme nécessaire. Sinon, le parti APD est là pour militer. Pour le changement et le pouvoir. Alors, les partis qui sont dans cette catégorie sont moins nombreux. Beaucoup de partis sont pour le partage, sont pour libération, c'est pour révolution. Alors, souvenez-vous que le parti naisse, grandisse et meurt. Alors, maintenant, nous avons beaucoup de partis morts. Il y en a qui sont de morts. Nous avons des partis à Moribo. Docteur ambassadeur Denis Vanchimiroussa, votre analyse. Les partis politiques agréés au Burundi, ils sont nombreux, je mets nombreux entre guillemets, ça peut être nombreux ou moins nombreux, ou très nombreux, mais sur le terrain, on en voit peu. Il y a Tassien qui parle de 5 ou moins de 5 partis politiques visibles sur le terrain. D'abord, je vous invite à une sorte de prudence au sujet de cette question. C'est une question qui a animé et qui continue toujours à animer et les politiques et les scientifiques, tout comme les journalistes. Donc, au sujet de cette question, il y a toujours deux camps. Le camp de ceux qui soutiennent qu'il faudrait limiter le nombre de partis politiques pour avoir une démocratie effective. Il y a un deuxième camp qui dit qu'il ne faut pas limiter les partis politiques dans un système démocratique. Alors, les deux camps, parfois, ne sont pas tranchés. Chaque camp campe sur ses positions. Mais d'une manière générale, pour ceux qui disent qu'il faudrait limiter les partis politiques, ils avancent quelques raisons. parce qu'ils disent qu'avoir un nombre pléthorique de partis politiques, c'est un signe de manque ou d'absence de maturité chez les hommes et les femmes politiques. Deuxièmement, ils disent qu'un nombre illimité, bon, je dis plusieurs partis politiques non limités, ne facilite pas la tâche pour les électeurs. Les électeurs peuvent se perdre dans un grand nombre de bulletins ou sur une longue liste de candidats, voilà, ou de partis politiques. Le troisième argument, ils disent que, comme vous avez effleuré cette idée, ils disent que cette multiplicité est aussi un signe d'absence d'idéologie chez les partis politiques. C'est comme la question que vous avez posée, est-ce qu'il y a 35 projets de société différents? Il faut ajouter oui. ça oui, pour... différents, un... oui. Sinon, il a bien répondu, il y a 35 partis politiques, il y a 35 projets de société. Mais est-ce que ces 35 projets de société sont-ils différents? C'est là où là, on peut avoir une problématique. Et puis, le quatrième argument, c'est que la limitation des partis politiques... Du nombre des partis politiques... Mm-hmm. va alors faciliter l'alternance politique externe. Alternance politique externe. Oui. Vous voulez dire quoi? Ah, il y a deux types d'alternance politique. On peut avoir une alternance politique en interne. Par exemple, en 2020, avec le parti CNDD-FDD, nous avions le président Feu Pierre Nkurunziza, que son âme repose en paix. Et après ces mandats, il y a eu un autre président... mais toujours du CNDD-FDD. Au sein du même CNDD-FDD. Oui, ça c'est une alternance politique interne. Tandis que externe, c'est lorsque c'est quelqu'un qui gagne les élections, mais en provenance d'un autre parti, différent de celui qui était au pouvoir. Que cela soit mis dans la loi, est-ce que c'est possible? Non, ça ne doit pas se mettre dans la loi. Ça se fait lorsqu'un parti gagne les élections. Ça se fait de soi. Oui, ça se fait de soi. Mm. Donc voilà, ce sont ceux qui militent en faveur de la limitation du nombre de partis politiques. Alors, il y en a d'autres qui militent en faveur de la non-limitation du nombre de partis politiques. Si on dit que le multipartisme est reconnu en République du Burundi, en qualité de qui, vous allez dire c'est 2, 3, 5. Ou bien c'est nombré alors qu'il n'y a pas de nombre. Ah, oui, c'est nombré alors qu'il n'y a pas de nombre. Donc la loi autorise, le multipartisme, donc c'est multi et c'est multi. Ah bah oui, évidemment. Et évidemment là, il y a un argument très fort. L'argument très fort, c'est qu'on ne parle pas de multipartisme pour le simple plaisir. On parle de multipartisme dans le cadre démocratique. Alors lorsqu'on dit le cadre démocratique, c'est-à-dire que ça va favoriser la liberté d'expression. La liberté d'association, la liberté d'aller et de venir, la liberté de débat contradictoire, non limité. Et à ce point, justement, que dire des libertés politiques, liberté d'expression, liberté sur le terrain? On parle aussi de visibilité. Là, nous sommes encore au niveau des deux camps. Sur le terrain, on pourra y arriver dans quelques instants. Ouais. Le deuxième argument, ils disent qu'il ne faut pas limiter les partis politiques parce que plusieurs... D'abord, les partis politiques ont des fonctions. Il ne faut donc pas penser seulement que la fonction des partis politiques, c'est aller aux élections. Les partis politiques ont d'autres fonctions, plus importantes même que électoralistes. Nous parlons finalement comme si on était dans la campagne électorale, en période des élections. Il ne faut pas que les partis soient visibles en période électorale. Il ne faut pas limiter les fonctions des partis politiques à la seule fonction électoraliste. Il faut savoir que les partis politiques sont également les écoles de civisme. Écoles de civisme. Oui. Les partis politiques vont sur le terrain pour enseigner la politique aux citoyens. Et plus vous êtes nombreux à enseigner, plus vous touchez plusieurs citoyens. Est-ce que c'est possible? Ça se fait au Burundi? Bien évidemment, s'il y a des obstacles, on pourra y revenir, mais je parle d'une manière générale. Donc il ne faudrait pas se perdre dans la réflexion. L'autre argument d'ailleurs, ils disent qu'il ne faut pas limiter le nombre de partis politiques parce qu'il n'existe pas de texte de loi qui réglemente cela. Autrement dit, comment pouvez-vous y arriver? partir des voix. En préparant un texte. Et puis, le dernier argument qui est corollaire à ce dernier, c'est qu'il n'y a pas de manière propre de le faire sans violer la loi. Comment allez-vous limiter les partis politiques? Sans violer la loi. J'ai le droit de fonder un parti politique. Alors, je fonde un parti politique. Je fonctionne comme la loi l'autorise. Vous allez me faire disparaître comment? Donc les deux camps. Puis je m'en retournais. Donc, de manière générale, les deux camps. Mais bien sûr, les arguments sont résumés. Permettez que je me retourne un peu. Ah, oui. Assez responsable politique ici. Le président du Forum des partis politiques, honorable Félicien Nouburundi. Docteur ambassadeur Denis Bachemioussa dit que les partis politiques, et vous l'avez accepté, les partis politiques sont une école de civisme. Votre explication. Vous tous, vous avez dit, c'est une école de civisme. Comment? Félicien. Ce n'est pas seulement pendant les élections que les partis politiques apparaissent. Ils apparaissent également dans d'autres domaines. En l'occurrence, dernièrement, le Forum des partis politiques a organisé un atelier qui avait comme objectif d'enseigner le peuple comment lutter contre le coronavirus. C'est un autre domaine par rapport à la santé. Hier, le Forum des partis politiques a organisé un atelier en Ngozi par rapport à l'entrepreneuriat. Comment la jeunesse puisse se créer des emplois. Ça, c'est un autre domaine, le domaine développement. Ce n'est pas seulement le domaine électoral. Il y a des partis politiques qui se lamentent comme quoi ils sont empêchés sur le terrain. Ils sont empêchés d'approcher les citoyens, d'approcher les partisans. Ce langage date de 2020. Je croyais que c'était vraiment... Même avant. On disait que l'espace politique est verrouillé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dépassé. On va vous donner des exemples. Voilà. Donner des exemples, ça c'est dépassé. On est loin. Est-ce que le parti CNDD-FDD, dont vous êtes membre, est libéral par rapport à cet espace politique, permettre cet espace politique? Très libéral. Moi, j'ai toujours posé des questions aux différents partis politiques. Donnez-nous des exemples de ces gens-là, ou bien de ces administratifs qui vous empêchent de vaquer à vos activités quotidiennes sur terrain. Tassé va me donner un exemple. Absolument. Ça abonde. Gabriel Banzoitonde, les partis politiques sont une école de civisme, par excellence. Oui, c'est vrai, puisque donc, par exemple, le parti APD, au moins deux fois par mois, nous descendons sur le terrain. Quand nous descendons sur le terrain, c'est pour demander à nos dirigeants comment se cohabitent avec l'administration, avec l'autre parti politique. Mais aussi, ce n'est pas ça. Je peux vous donner un petit exemple. En 2018, le ministère de l'Éducation nationale a fait sortir des livres sur lesquels il y avait un drapeau du Burundi qui portait une étoile, des étoiles de 5 sommets. C'est le parti APD qui a plaidé tout près du deuxième vice-président de la République à ce moment. Et on a invité l'ancienne ministre Janvier. Nous étions sur devant le deuxième vice-président de la République. J'ai dit voilà le problème. Alors on a recoté tous les livres et on a changé immédiatement. En disant qu'on a fabriqué ces livres au niveau de le pays de Népal. Mais d'autres choses que je peux vous dire. Imaginez la loi numéro 1/25 du 14 novembre 2012 portant statut de l'opposition au Burundi. Si on lit bien l'article 6, alinéa 1, on dit que les partis de l'opposition devraient être informés sur l'activité gouvernementale. Donc on devrait nous informer à chaque moment de l'activité gouvernementale et contribuer à chaque moment. Alinéa 2. Dit que les partis de l'opposition devraient s'exprimer sur les abus et violations des droits de la personne humaine. Donc, nous avons des obligations à faire. C'est parce que le ministère de l'Intérieur. Est-ce que le parti APDR est de l'opposition ou de la mouvance? Il faut connaître bien. Qu'est-ce que signifie l'opposition? La loi qui explique que tout parti qui ne figure pas dans le gouvernement, c'est directement un parti de l'opposition. Alors, il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition extra-parlementaire. Mais tous ces deux. Vous êtes de l'opposition extra-parlementaire, comme je ne suis pas dans. Mais aujourd'hui, est-ce que la loi est respectée? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, même le gouvernement peut prendre des décisions sans toutefois nous contacter. Alors qu'on devrait nous contacter. Donc, nous avons à contribuer. L'article 9 de cette loi dit que les partis politiques d'opposition extra-parlementaire de nous peuvent soumettre leur contribution à l'appréciation du gouvernement et à l'Assemblée nationale dans le cadre d'élaboration des projets de loi. Mais regardez aujourd'hui, il y a des lois qu'on voit tout ce qui se passe sans toutefois nous contacter. C'est dangereux alors qu'on devrait nous contacter. Est-ce que c'est dangereux si on ne vous contacte pas, vous? Avec ce problème des partis politiques, d'abord c'est le manque de quoi? Le manque de suivi du ministère de l'Intérieur. Puisque le ministère de l'Intérieur a garanti que, par exemple, les partis devraient être dirigés par des personnes qui sont sur le territoire national, sauf au cas de force majeure. Mais aujourd'hui, nous avons des partis qui sont là avec le représentant toujours à l'extérieur. 10 ans, 15 ans, c'est dangereux pour le ministère. Alors, le ministère aussi, la loi garantit que... Oui, la loi aussi dit que un parti politique qui ne donne pas rapport financier direct aux droits excessifs devrait être suspendu automatiquement. Alors, on peut trouver que les partis même disent c'est dangereux pour le ministère. Donc, le ministère devrait suivre le thème, restater le règlement de l'ordre intérieur comme la loi le permet, afin de voir quels sont les partis à radier. Puisque les partis qui sont là, c'est dangereux. Est-ce qu'on va dire aussi que vous êtes de l'opposition extra-parlementaire? Il n'y a pas d'impôt. Je laisse le soin les à ceux qui nous écoutent d'apprécier si je suis de pouvoir. Il n'y a pas d'opposition. Alors ça, je n'en dis pas plus. Moi, je me réclame et je suis de l'opposition, mais ça dépend de celui qui apprécie. Si jamais les auditeurs apprécient et trouvent que je suis de la mouvance. Parti politique, école de journalisme. École de civisme, pardon. École de civisme. Ça devrait être l'école de civisme. Ça devrait. Ça devrait même, parce que ce n'est pas le cas. Il y a même qui enseigne, je dirais, des contre-civismes. Ça, oui. Comment? Je te donne un exemple. Je vais revenir ici. Les exemples dont a réclamé l'honorable Félicien. Quand on manque au verrouillage de l'espace politique qui continue. Mais avant, je te donne un exemple. Quelqu'un qui réunit les jeunes Burundais pour leur dire qu'ils doivent se préparer physiquement pour aller être des dockers quelque part. Alors qu'on t'envers les autres pays envoient les leurs à la Lune pour faire des recherches hautement scientifiques, on enseigne les nôtres à être fort physiquement pour aller être de docker. Et ça, c'est du civisme, vous croyez? C'est un exemple. Je pourrais te donner d'autres. Dans le cadre des partis politiques. Vous ne vous rappelez pas du discours du secrétaire général du parti au pouvoir devant les Imbonerakure. C'est un cas parmi tant d'autres. Je reviens sur les exemples dont réclame l'honorable Félicien quant au verrouillage de l'espace politique qui continue. Je n'ai pas le téléphone sur moi, sinon j'allais te lire en communiqué. Une lettre du gouverneur de Bujumbura, là, qui répondait au représentant du parti CNL, qui réclamait une cérémonie de leur anniversaire en commune à Yalala, quelqu'un. Et de lui de rétorquer qu'il n'a pas son droit parce que, prétextant qu'il ne participe pas aux travaux communautaires, aux réunions convoquées par le gouverneur, je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai ou pas, mais de toute façon, c'est un verrouillage. Si jamais le représentant d'un parti X ne participe pas aux travaux communautaires, est-ce que cela suffit pour justifier que tout un parti ne peut pas se réunir dans une commune X? C'est un exemple. Sans parler de ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils sont militants d'un tel ou tel autre parti, d'autres qui sont tabassés, d'autres qui sont carrément portés disparus. Le cas de l'Iprona, je reviens parce que je suis concerné. Si vous saviez que même les tentatives de réunification qui se font sont toujours verrouillées par l'eau, soit le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas s'il est téléguidé de quelque part, mais c'est une triste réalité qui est là. Je vous informe que l'année passée, on était parvenu à avoir des compromis quelque part dans des congrès communaux. Mais cela a été refusé, mais remis en cause. Qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous empêche de vous réunifier si vous avez force? Je te donne l'exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose? On avait organisé des congrès communaux dans certaines provinces de façon collective, collégiale. Avec l'aide de Kumugumia, avec notre aide et tout. Mais quand ils ont suspendu ou rayé de la liste des membres, les Gaston, Bayahaga et Anissé, le ministre de l'Intérieur en a profité pour remettre en cause les congrès, pour dire, même ceux de l'opposition, du parti prenant de l'opposition, il faut recommencer les congrès sans associer les membres du parti prenant de l'opposition. Pourquoi cela? Donc, c'est pour vous dire que ce verrouillage continue. Et plus les échéances approchent, plus le verrouillage revient avec force. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Le verrouillage est là. Même des partis sont téléguidés pour être émiettés par le parti au pouvoir. C'est une triste réalité. Peut-être qu'il faut dire. Ambassadeur, docteur Denis. Je voudrais revenir ici quand même. cette question d'éducation physique, d'éducation civique. Ça devrait, j'ai toujours utilisé le terme, mais ça devrait être des écoles d'éducation civique. Parce que même à travers les émissions que vous organisez, seulement il y a des fois où vous faites privilège à certains partis, surtout à satellite aux partis au pouvoir. Sinon, c'est un cadre d'éducation. S'il faut débattre sur la corruption, s'il faut débattre sur la problématique de l'éducation, s'il faut débattre sur les questions de bonne gouvernance de tout acabit, qu'elle soit politique ou économique, ça, c'est une école d'éducation civique. Mais il faut justement permettre à ces partis politiques de le faire, de leur permettre d'aller sur terrain, d'organiser des réunions, des conférences de presse. Si vous organisez des débats du type associer tout le monde et ne pas favoriser le parti au pouvoir, il y a un article qui clarifie clairement que les partis politiques devraient avoir le même espace sur le média public. Il y a une disposition de la loi sur les partis politiques. Est-ce que vous allez dire au peuple burundais que la RTNB est désormais... Les partis politiques ont les mêmes droits à la RTNB. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le CNR fait ses activités, mais il y reçoit des activités, il y reçoit l'autorisation. La RTNB n'en fait jamais cas. Et pourtant, un simple chef d'un parti communal dans une province X du CNR, du CNDD-FDD, ou une femme membre de la Ligue des femmes du CNDD, quand elles organisent même une action sociale, d'aller visiter une dame qui a mis au monde 3 ou 4 enfants, ça s'est diffusé sur la RTNB, mais cela n'est pas le cas. Ambassadeur, docteur Denis Bachemiroussa, verrouillage de l'espace politique, est-ce que c'est une réalité selon vous? Ah ben oui, l'espace politique burundais est verrouillé. C'est ce qui me fait souvent dire qu'il sera très difficile au Burundi d'avoir des processus électoraux dit véritablement démocratique. Et j'associe deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est celui-là dont nous sommes en train de parler, l'école de civisme. L'école de civisme, il est dit dans la loi régissant les partis politiques que lorsque un parti politique est agréé, donc il a le droit d'aller faire la propagande politique sur le terrain. Propagande politique. Propagande politique. Aller faire la propagande politique, c'est aller parler de son idéologie, de son âme, l'âme du parti. C'est aller dire à la population ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez une fois que vous arrivez au pouvoir, si jamais vous n'y êtes pas. Et la manière dont vous êtes en train de réaliser les promesses de campagne une fois que vous avez gagné, si jamais vous êtes au pouvoir. Propagande politique, et puis, ça se fait... Dans la période électorale au quotidien. Ou à tout moment. Non. Ce que nous appelons propagande politique, allez lire la loi régissant les partis politiques. Ça se fait au quotidien conformément à la loi. Aux heures et aux jours reconnus par la loi. C'est le fait qu'un parti politique organise une animation politique et locale. Par exemple, le fait d'aller dans les communes, le fait d'aller dans les zones, dans les communes, dans les provinces, le fait de faire une conférence de presse. C'est une propagande. Ça, c'est une propagande politique. On parle de son idéologie, on parle de son projet de société. Cette propagande politique se transforme en une propagande électorale au moment des élections. La différence. Alors, lorsque le parti politique va sur le terrain, dans des pays véritablement démocratiques, lorsqu'il s'agit d'une conférence de presse ou d'un meeting, eh bien, ce ne sont pas nécessairement les membres de ce parti qui viennent l'écouter. C'est tout citoyen. Tout citoyen. Tout citoyen qui le veut, vient écouter. S'il est séduit, il adhère au parti, ou tout simplement, il dit, même si je n'en suis pas membre, le moment électoral, je porterai ma voix à ce parti-là. Voilà. Donc, le jour du vote n'est pas le jour du choix. C'est le jour de la matérialisation. Le jour du vote n'est pas le jour du choix. C'est le jour de la matérialisation du choix. Lorsqu'alors l'espace politique est verrouillé et que les partis politiques n'ont pas cette liberté d'aller sur le terrain, on ne peut jamais avoir d'élections démocratiques parce qu'il y en aurait peut-être qui ont ce privilège d'aller sur le terrain, et d'autres alors qui en seraient privés, d'où déjà la compétition est biaisée, ne pourrait pas être démocratique. En un mot, docteur ambassadeur, est-ce qu'aujourd'hui il y a sur le terrain cette propagande politique dont vous parlez? La propagande politique existe, mais ce que je vois, c'est pour certains partis, d'autres semblent en être privés. Que dire des partis politiques qui s'envoient sur le terrain uniquement quand vient le moment des élections? Alors, là, il est difficile d'analyser objectivement ce phénomène dès lors que l'espace politique est verrouillé. Notamment dans nos pays africains, ce sont les partis au pouvoir qui verrouillent l'espace politique. Alors, en verrouillant l'espace politique lorsque vous êtes au pouvoir, vous vous mettez dans un piège. Vous vous tendez un piège vous-même. Parce que même les partis politiques qui n'ont pas de membres ou qui n'ont même pas les moyens d'aller sur le terrain, ils vont dire, eh bien, nous ne sommes pas sur le terrain parce qu'on nous a empêchés. Voilà. Donc, il m'est difficile d'évaluer objectivement si réellement ces partis politiques ne vont pas sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers ou si c'est parce que l'espace politique est verrouillé. Mais ce que je vois, réellement, il y a certains partis politiques qui se manifestent au moment des campagnes électorales. Captez Issa-Nanilo, écoutez la différence. Je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui porte sur le rôle du pluralisme des partis politiques au Burundi dans le renforcement de la démocratie. Mais combien de partis, quel type de partis faudrait-il pour renforcer cette démocratie? Avant de continuer, permettez que l'on suive ensemble certains habitants de Bubanza. Ils trouvent que le Burundi devrait rester avec des partis politiques efficaces et visibles sur le terrain. Pour les autres, pas d'importance. Aucune importance parce que dans notre pays, on trouve la majorité des partis cherchent toujours les profits. Par exemple, dans une commune quelconque, on trouve plus de 10 partis. Mais sur le terrain, on voit des partis, l'opposition et le parti au pouvoir. Les autorités élues, il y a des uns qui retournent, mais la majorité entre eux ne retourne jamais. Pour le moment, on aura des partis tout simplement. Aucun intérêt, sauf qu'ils se chamaillent, ils se salissent, qu'on reste avec les partis politiques ayant une efficacité. Il y a des partis qui honorent leurs promesses, il y a d'autres qui ne les mettent pas en application car ils n'ont pas gagné aux élections. Qu'il reste deux partis politiques pour être en compétition afin d'en avoir un seul après les élections. Pour moi, je vois qu'il n'y a pas d'importance pour plusieurs partis. Nous avons observé que plusieurs partis politiques ici au Burundi n'existent pas. Mais ce que je vois, il faut qu'il y ait au moins deux partis seulement. Les partis politiques promettent plusieurs choses pendant les campagnes électorales, mais je vois qu'il n'existe aucune action. Par exemple, les constructions des routes, l'électrification des villages, l'adduction d'eau, mais des fois, on observe qu'il n'existe aucune action. Je ne trouve aucune importance du pluralisme des partis politiques, car par exemple, leurs promesses ne sont jamais honorées. Nous voulons un seul parti politique. Je reviens vers vous, honorable Félicien du Burundi. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport aux libertés politiques? On parle de verrouillage politique. Docteur ambassadeur Denis Banchimius a dit que le verrouillage politique est une réalité au Burundi. J'ajoute que souvent, c'est fait par le parti au pouvoir. Et avant d'aborder ce sujet, je voudrais m'exprimer par rapport à ce qu'a dit Tassien. Il ne faudra pas qu'il associe le problème interne de son parti et au verrouillage. Quand il évoque la réunification des... J'ai des raisons pour le dire. Alors, vous prenez, oui. Il prend le problème interne de son parti et le problème de verrouillage du terrain, de l'espace politique. C'est très différent. Lorsqu'il y a des problèmes internes au sein d'un parti, c'est au gestionnaire des partis politiques de contrôler cela. Et c'est que nous avons des arrêts de 2009 qui ne sont jamais exécutés. Et permettez-moi. C'est le ministère de l'Intérieur qui bloque. Laisse-moi parler. C'est le gestionnaire de parti politique et celui-là, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il doit assurer la sécurité au sein des partis politiques. Alors, lorsque le parti prenant a des problèmes internes, cela ne signifie pas que l'espace politique est verrouillé. Le ministre de l'Intérieur a fait son devoir. Alors, c'est de déchiqueter les partis politiques. Bon, je ne dis pas cela. Alors, le concept de verrouillage de l'espace politique date de l'année de avant 2015. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Certains partis politiques le font comme prétexte pour ne pas aller sur terrain. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas d'adeptes. Deux, ils n'ont pas de moyens financiers. Pour expliquer alors cela... Parce que vous extorquez le peuple de force, parfois. Pour expliquer cela alors, leur absence sur terrain, leur espace politique est verrouillé. Allez vérifier. Vous êtes des journalistes. Je vous ai donné un cas. Allez. Si le gouverneur refuse un parti politique de fêter son anniversaire. Est-ce que vous êtes le porte-parole du parti? Non, on parle de verrouillage. On est en train de prouver qu'il y a verrouillage et vous vous défendez qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Liberté politique. Dans la Constitution, c'est déjà stipulé. Tout peuple, tout parti politique est libre de dire ce qu'il pense. Voilà. Il y a une question... Je vais citer l'article 14 pour prouver que ce article qui est écrit sur les partis politiques. Ce qui est écrit dans la Constitution, dans la loi sur les partis politiques, des fois c'est bon, même s'il y a des dispositions liberticides. Article 14. Article 14, il est clair. Les partis politiques jouissent d'un droit d'accès équitable auprès des médias de l'État. Est-ce que c'est le cas, monsieur honorable? Est-ce qu'on vous a refusé un jour l'accès à la TV? Est-ce que la Radio Nationale n'anime pas des émissions? Même si elles ne sont pas mosaïques. On ne nous a pas invités. Jamais de la vie. Tu peux le dire un jour que je sois invité à la radio. Alors, lorsque vous êtes lésé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas le seul à être lésé. Vous acceptez d'être lésé? Je lis seulement l'article, comprendra qui voudra. Denis Bachimimoussa, est-ce que vous pouvez... Je pense qu'il faut être réaliste et il faut être honnête, surtout intellectuellement et politiquement. On ne doit pas être porte-parole d'une telle ou telle autre organisation, parti politique ou association, pour constater avec regret que l'espace politique est verrouillé. J'en veux pour exemple, je pense que ce n'est pas trop à nier. Il y a quelques mois, je ne sais pas, si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait eu une conférence de presse organisée par deux associations de la société civile, Parsem et Olucom, pour s'exprimer au sujet de la mesure de la limitation d'accès des vélos, des motards et des tuk-tuk dans le périmètre urbain de Bujumbura. Si jamais mes informations ont été bonnes, on leur a refusé le droit de faire cette conférence. Et pourtant, l'article 31 de la Constitution dit que tout citoyen a le droit de s'exprimer et que l'État a le devoir de respecter l'opinion politique, l'opinion économique, philosophique de tout citoyen. Donc là, c'est aussi un exemple qui montre que le verrouillage politique est une réalité. Mais il y a encore un autre élément. À l'Assemblée nationale, j'ai vu le président de l'Assemblée nationale refuser la parole à un député. Et est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un député? Un député qui représente, lui dire maintenant, c'est fini, donc on ne doit plus poser la question que le remède soit amer ou délicieux, vous devez le consommer. Ça ne se fait pas. Ça, c'est donc quelques exemples, s'il en est encore besoin, qui montrent que le verrouillage politique est une réalité au Burundi. Peut-être que ces expressions étaient limitées par rapport au temps qui était prévu. Moi, je sais que à l'Assemblée nationale et au Sénat, du moins si mes connaissances en sciences politiques sont bonnes, c'est le lieu de discussion, c'est le lieu de parlementer. Par excellence. Alors là, tout député, conformément à la loi qui a à s'exprimer, s'exprime. Et dans d'autres pays, si on devait avoir un ministre qui dit, eh bien, maintenant, vous devez consommer la mesure, là, ça ne peut pas se faire. Je voudrais savoir, lorsque on leur refuse ce droit d'organiser cette conférence, alors quels sont les mobiles avancés? Ce n'est pas à nous de le dire. Pour savoir pourquoi on leur a refusé cet accès. chaque fois un prétexte qui est c'est toujours le même mot. C'est une cause de sécurité. Soit c'est la sécurité, oui. Soit c'est liberté qu'on n'a pas demandé de permission. Liberté politique, Gabriel Banzoïton est du parti APD. Le professeur nous dit qu'il faut être honnête et sérieux. Il faut d'abord connaître. D'abord, à propos de la population qui demande qu'on trouve des partis politiques au Burundi, ce n'est pas possible puisque à chaque parti, je dis que né, grandit, aimé. Imaginez si il y a des partis politiques. Ah, par exemple, il y a une qui met la naissance. Aujourd'hui, nous avons 35 partis, comme on a dit. Est-ce qu'en réalité, qui sont les partis qui sont sur le terrain? Moi, je suis parmi les membres du comité des différentes formes de partis politiques. À chaque mois, une fois au mois, il y a peut-être un atelier. Tous les partis sont là. Alors, combien de partis sociétaires? Même au niveau national, il y a des partis qui n'ont pas de permanence nationale. C'est dangereux. Alors, par exemple, un parti qui n'a pas une permanence nationale. Il faut dire des permanences qui sont détruites, justement. Voilà, qui ne va pas porter parole des partis politiques. À chaque moment, nous sommes avec les partis politiques. C'est des débats. Détruire une permanence, c'est une infraction pénale. Monsieur Tassian, qui réprimande ça? Gabriel Banzoïton, de la parole à vous. Gabriel Banzoïton est du parti APDR. Quand on parle au village, je ne sais pas si ils sont membres du parti CNE. Comme il dit parti, c'est puisqu'il ne dit pas alphabétiquement. Je dis que chaque mois, au moins c'est je descends. C'est comme si je dis que tu es un allié. Non, chaque mois, au moins je descends sur le terrain. Personne, quand on a bien écrit une lettre d'information, pas de demande d'information, quand nous avons une activité, vraiment, on donne cette chance. Sauf quand il y a peut-être une visite officielle, on dit, soit il y a une visite officielle de l'autorité, peut-être, il faut chercher un autre jour. Avec les ateliers que nous organisons au niveau du forum, chaque parti s'exprime. Aucun parti qui a dit qu'il y a un problème, c'est le terme. Alors, qu'il y a un malentendu aussi, on résolve administrativement. Je dis qu'il y a plusieurs moyens de résoudre. Une question commune pour vous tous. Nous parlons de ce multipartisme politique. Comment aboutir à un multipartisme qui puisse effectivement renforcer la démocratie au Burundi, Gabriel? Première chose, c'est qu'il faut réviser la loi sur les partis politiques. Puisque la loi sur les partis politiques, on devrait réviser. Mettre aussi des. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'il faut mettre des balises. Au moins, celui qui veut créer un parti devrait être au moins un homme ou une femme sérieuse ou sérieuse. Puisque si on reste tout le monde, il faut vraiment. Estimez qu'il y en a qui ne sont pas sérieux. Avec les conditions qu'on demande, il faut quand même un parti, c'est une autre chose. Il faut alors que la loi mette quelques balises pour que celui qui se lance à la création d'un parti politique, ses membres fondateurs devraient connaître ce qu'ils font. Puisque la loi dit que pour être agréé, il faut avoir au moins 20 membres par province. Donc on a peut-être 360 membres. Alors imaginez un parti qui a 360 membres, mais aujourd'hui qui n'a pas même une permanence nationale. Vous entendez qu'il n'y a pas, ce sont des choses insérieuses. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut que le ministère en charge de l'intérieur, dans ses attributions, devrait suivre de près comme la loi les garantit. Puisqu'on dit qu'il y a non ingérence, mais il y a aussi le droit que le ministère de l'Intérieur suit de près en rapport avec les statuts et les règlements des partis politiques. Alors, aujourd'hui, il y a des partis, au moins 10 ans, 15 ans, avec un seul représentant sans congrès national. Mais, monsieur Léonce, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il faut que les téléspectateurs et les auditeurs puissent comprendre quelque chose. Que devons-nous entendre par une personne sérieuse, capable de créer un parti politique? Tu veux savoir, sérieuse. Ah, très bien. Quand je dis sérieuse, qui connaît ce qu'il va faire? Il ne faut pas créer un parti qui reste dans les papiers. Il y a des partis qui sont dans les papiers. Qui font ceux qui ne savent pas. Qui sont dans les papiers. Alors, au lieu de contribuer pour le gouvernement, c'est une seule personne, le président et le vice, ou bien sa femme, et c'est fini. Alors ça c'est dangereux. C'est le gouvernement de suivre de près s'il y a quoi. Il y a un parti qu'il ne faut pas de congrès pour au moins donner le mandat à celui qui était. Mais quand même. Vous êtes sérieux, disons. Vous faites des congrès le 29 août 2020, on n'a pas fait un congrès. On m'a donné un autre mandat. C'était un congrès. Et Tassian Soumana, je pose la question. Comment aboutir à un multipartisme qui puisse effectivement renforcer la démocratie dans le pays? Tout Tout dépend des textes d'abord. Tantôt, on disait que il y a deux tendances. L'une voulant la limitation du nombre de partis politiques, l'autre voulant la non-limitation. Mais tout cela doit être d'abord consigné dans les textes de loi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme le disait le professeur, notre ami Vincent Tondé, si on dit verbalement ou par une mesure, une ordonnance ou un décret, ça serait illégal de dire qu'on fixe le nombre à X alors que la Constitution ouvre largement. Mais, pour l'intérêt de la démocratie, les lois sont faites par les hommes et pour les hommes. Alors, s'il faut vraiment penser à l'éclosion d'une démocratie véritable au Burundi, il faut songer d'abord au texte qui la met en musique. Est-ce qu'il y a des lacunes aujourd'hui ? Bien sûr qu'il y en a. Moi, je te dis, on disait qu'il y a aujourd'hui 35 partis politiques. Mais effectivement, comme les autres le disent, sur le terrain, si jamais il n'y avait pas de verrouillage politique, ce n'est pas évident que les 35 soient rendus sur le terrain. Ça, je suis prêt à le dire. Je suis vraiment sans gêne pour dire que non. Mais il y en a qui voudraient le faire et qui n'ont pas ce droit suite au verrouillage. Mais même s'il n'y avait pas verrouillage, je suis convaincu que les 35 ne sont pas tous sur le terrain. Ça, c'est un fait. Alors, je dis, il faut d'abord les textes. Deux, même si on a des élections organisées n'importe comment, il faut quelque part partir de là pour songer à limiter. Je me demande si un parti politique qui vient de faire 3 législatures sans participer aux élections, comment pouvez-vous considérer que ça, c'est un parti politique ? Est-ce que réellement tous ces partis qui ne participent pas aux élections peuvent dire que c'est suite au verrouillage politique, de l'espace politique ? Je ne suis pas convaincu. Alors, la base, c'est de dire, prenons 3 législatures par exemple, voyons les partis qui se sont présentés sur toute l'étendue de la République pendant les 3 législatures. Ça serait au moins une base plus ou moins objective de limitation. On peut penser à d'autres critères, mais au moins celle-là, c'est plus ou moins équitable. Honorable Félicien, les autres critères, on peut en penser. Oui. Émancipatisme et renforçant la démocratie, beaucoup de choses peuvent se faire. Alors, avant d'y aller, je voudrais retourner sur la limitation des partis politiques. Normalement, du nombre de partis. J'ai oublié, permettez. J'ai oublié que la non-limitation favorise le clientélisme politique. Je termine. Oui, la limitation des partis politiques n'est pas imposée. Ne doit pas être imposée. Elle est secrète elle-même. Si les partis politiques eux-mêmes, s'ils voient des lacunes, ils peuvent s'entendre. Les besoins du moment. Avant 1993, la coutume c'était de faire beaucoup de partis politiques. Et on a travaillé. Après la crise. Si les partis politiques voient que la limitation des partis politiques est nécessaire, ça va se faire de soi. Mais si on impose, peut-être qu'il y aura des conséquences. On peut imposer un parti au pouvoir. Dans les faits. Non. Vous dites que maintenant, une petite question et vous pouvez répondre en termes de nombre. Il devrait y avoir combien ? Je pose la question d'abord à vous, Félicien, Gabriel et Tassien. Il faudrait y avoir combien de partis politiques au Burundi, selon vous ? Cette question me paraît difficile. Difficile. Vous, Gabriel ? En 2014, était au nombre de 45. Maintenant, on est au 35. Pour moi, même 1000 partis politiques, l'important c'est quoi ? De contribuer pour le développement du pays. Pour permettre l'éclosion d'une démocratie, pour permettre effectivement aux électeurs de se concentrer sur des projets ou sur les partis viables, pour moi, un maximum de 5 partis suffirait amplement. Docteur ambassadeur Denis Vachemiwusa, aboutir à un multipartisme qui puisse aider à renforcer la démocratie. Ah ben oui. En réalité, la question de se poser s'il faut 5, 10 partis politiques ne devrait pas se poser. Parce que... Là, vous passez. Oui, que la question ne se pose pas. Si je devais vous poser la question, combien de partis politiques existent en France ? Vous pensez que c'est combien ? Cher. Je ne sais pas. Plus de 500. plus de 500. Partis politiques. Il y en a qui sont à l'échelle nationale, il y en a qui sont à l'échelle régionale et il y en a qui sont à l'échelle locale. Mais là n'est pas le problème. La population. Et comme, là, comme alors l'a dit l'honorable, laisse les partis politiques prospérer et proliférer. Les besoins du moment les ramèneront obligatoirement à se mettre soit en coalition, soit en fusion. Oui. Mais dire qu'il faut 2, 3, 4, 5, d'abord, vous n'allez pas. Par exemple, la population qui parle de deux partis politiques, ça s'appelle bipartisme. Or, la Constitution ne parlerait pas d'un bipartisme. Non, j'ai dit qu'il faut d'abord les lois qui préparent ça. Oui, ok. Alors, on va dire trois. Nous prenons la date des indépendants. Du temps qui presse. Malgré les indépendants, ils ne sont pas encore fondés. Denis, oui. On ne va pas dire trois. Si on vous pose la question de savoir pourquoi trois, vous n'allez pas trouver de raison. Donc, c'est dit multipartisme, laissez les partis politiques être nombreux et puis laissez-les fonctionner librement et conformément à la loi. S'il y a des lacunes, alors, au niveau des textes de loi, comme il le dit, Tansiye Sibomana, là, alors, il faudra se mettre ensemble. Les hommes et les femmes politiques peuvent se mettre ensemble, peut-être en consultation avec les spécialistes afin d'avoir une loi qui puisse garantir le bon fonctionnement des partis politiques. De cette manière-là, la question du nombre ne devra pas se poser. Et comme j'y reviens, je dois dire que le problème qui se pose d'abord, c'est celui de savoir par quelle voie procéder sans violer la loi pour avoir la loi politique, sans violer la loi politique. Si Tansiye Sibomana dit un parti politique qui vient de passer trois processus électoraux sans se présenter. Mais je suis désolé, parmi les critères qui fondent un parti politique, le fait de se présenter aux élections n'est pas mentionné. Donc, un parti politique n'est pas parti politique parce qu'il participe aux élections, mais il est parti politique parce qu'il a déposé le dossier et il remplit les conditions pour être parti politique. Il y en a qui ne vont donc pas voilà, il faut faire attention et rester prudent sur cette question. Alors, un multipartisme qui puisse garantir une véritable démocratie, c'est un multipartisme qui fonctionne conformément aux valeurs fondamentales de la démocratie, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la tolérance. C'est ça le multipartisme. Sinon dire qu'il y a plusieurs partis politiques, mais dire que moi, comme je suis un parti au pouvoir, les autres ne doivent pas fonctionner comme je fonctionne, là ce n'est pas un multipartisme effectif. Donc il faut effectivement avoir un multipartisme fonctionnel, conformément à la loi, et s'il y a des lacunes dans la loi, il faudrait alors les corriger. Oui, une petite chose, si la loi, une petite chose. D'abord, la loi garantit que le président qui est extérieur au parti devrait être là, c'est le ministère. C'est lui qui nous donne par rapport devrait être là. Il faut que le ministère suive ça. Docteur ambassadeur Denis Bachemiyoussa, enseignant d'université, merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les collègues avec qui nous avons fait le débat. J'espère qu'on pourra encore une fois continuer à débattre prochainement. Merci à vous, Gabriel Banzawitone, président du parti APDR. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci de l'invitation. Merci à vous, ambassadeur honorable. Honorable monsieur le journaliste. Est-ce qu'il est vrai des présidents comme toi? Président du Forum. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et si demain vous m'invitez, je répondrai oui. Merci. Merci. Merci à vous, Tansiye Sibomana. Merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission Mosaïque. Merci pour votre contribution. C'était un plaisir. Que vous ayez songé encore une fois, moi ça faisait des mois, sinon une année. Et ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Alain Désiré Boukeyeneza et Marie-Claire Kazeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.